écoutait toujours Georges Bacelli qui nous interprétait Reine de Musette. Vous l'avez reconnu très certainement. On va écouter maintenant Chicago, un fox interprété par... c'est pas un fox, c'est pas un chien, hein, je vous le signale tout de suite. Un fox interprété par Erika, la petite princesse belge de l'accordéon. On l'écoute. Violette, adios, muchachos, Charles Westrott. Pas Violette, Violette. Thank you. Et on continue avec Charles Bastard toujours. La comparsita poema. Petite dédicace, c'est de la part de Simone pour tous ses amis de l'accordéon, pour Mamie Geneviève et pour l'animateur. Merci Simone, et puis bon après-midi à vous. On écoute, figurez-vous, j'ai pas fait exprès, mais c'est comme ça, Erika, la princesse belge de l'accordéon, qui nous interprète la guinguette à Michel. Merci pour lui. Mais ça me rapporte rien. Et c'est, ça suit l'accordéon. Hein. Aurélien et son orchestre, et c'est, j'ai pas mis mes lunettes, guitare et castagnette. Voici donc Aurélien. Thank you. Et on continue avec Georges Baselli. Il s'interprète Au bois de mon cœur. Et Erika, la princesse belge de l'accordéon. 16 heures passées de 27 minutes de la pendule de Radio Arc-en-Ciel. 96.2. La FM en couleur. De l'autre côté de la rue, et c'est Maurice Alexander. Avec Maurice Alexander, les Chevaliers de la Route, hommage au Tour de France 2013, le centième. fête, et c'est les fables. Tarradata, tarradata, tous les favoris sont là. Du Jura, comme en Bretagne, dans le nord de la Louisie. Par la plaine ou la montagne, c'est la gloire en Paris. Chevalier de la route, passe au bout de foudre. Tarradata, tarradata, rien ne les arrêtera. Retour vers Maurice Alexander. Attaque ici, attaque là, tu perceras. Attaque ici, attaque là, et tu l'auras. Attaque ici, attaque là, et tu l'auras. cœur joyeux, chantons l'essor de la jeunesse, qui se moquant de la gloire, vole vers la victoire. Chantons tous en cœur, les performances et les vainqueurs, allons sans peur, joyeux et forts, vivre d'efforts, chantons vive l'espoir. Pour les plus anciens, rappelez-vous, c'était l'indicatif de, sur le poste parisien le dimanche après-midi de l'émission des sports, la marche des sports, une émission de Georges Briquet animée par Robert Chapat. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. On continue avec Erika. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes ? C'est de la part de l'animateur pour Françoise et Jean Darvel, à qui je souhaite un bon après-midi. À l'écoute, bien sûr, d'Arc-en-Ciel. Ça s'arrête tout seul, c'est impeccable. Il n'y a rien à faire. Mandarine et Segadi, et c'est Édouard Duleu. Arrêté en chemin, fatigué. Les coupures sur les mandarines. D'assister Édouard Duleu, je sais pas si c'est Édouard Duleu ou les mandarines, mais ça colle pas. On va continuer tant quand même, hein. On continue avec deux valses, Belle Gitane et Jolie Bohémienne, demandée de la part de Mamie Geneviève pour Simone et pour l'animateur. Merci, restez bien au chaud, au coin du feu. Des fois que vous attrapiez un chaud et froid, comme disait mon grand-père, un chaud ferdi, on dit dans le Berry. Qu'on disait pour moi. Voici donc Michel Pruvot. Michel Pruvot. Ben, c'est pas qu'il est absent aussi, non? Non. Il va arriver. Je donnerai pour toi ma vie et mon âme, que l'amour me donne, ma belle gitane. Destin, belle gitane, guidera ton chemin en terre catalane. Je suivrai au loin ta robe de flamme, jolie fleur d'Espagne, ma belle gitane. De programmation, et je m'en excuse, la dédicace de tout à l'heure, de la part de Mamie Geneviève pour Simone, et puis pour l'animateur, merci. C'est Olivier Plisson, La Petite Valse. sais d'où elle vient. Quand je t'ai rencontré, cette chanson volait sur les mêmes chemins. Vous vous donniez la main, vous étiez toutes deux à présent merveilleux. J'ai ouvert ma maison à ta jolie chanson, et j'ai ouvert mon cœur à ton joli bonheur. Depuis sous notre toit, nous vivons tous les trois la valse, toi et moi, libres de joie. Oh, petite valse, si mon ami partait. Oh, petite valse, je crois que j'en mourrais. Mais tu nous protèges par ton sortilège. Elle ne pourrait jamais s'en aller si tu restais. Une dédicace, c'est pour le plaisir personnel de Paulette Lafleur et les Aubrais, Mick Bréhin, le paysan. Dans quelques secondes. Et c'est parti. Avec Corinne, bien sûr, Corinne Chrétien. Dis-moi mon pote, on va peut-être foutre un coup d'azote, et quand on touchera la prime, on s'achètera une limousine. Un paysan, ça se lève toujours content. Un paysan, ça regarde s'il fait beau temps. S'il pleut, ça reste au coin du feu. S'il fait beau, oui, ça part dans ses champs. Un paysan, oui, ça a un grand cœur. Un paysan, ça, c'est rempli de bonheur. Ça a de l'argent quand arrive le printemps. S'en étale, oui, partout dans ses champs. Olivier Plisson maintenant, la Bougnatte. Deux tangos, Michel Pruot. Thank you. viens plus près, je t'en prie. Viens te blottir, viens t'allonguer entre mes bras. Approche-toi, chérie, ce soir tout est permis. Ton corps m'attire, je te désire, approche-toi. Laisse-moi te dire, pour moi tu es la plus jolie. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'enlacer et t'embrasser. Souris-moi, dis-moi oui. Approche-toi, chérie, plus près encore. Serre-moi très fort toute la nuit. Viens plus près, je t'en prie. Viens te blottir, viens t'allonguer entre mes bras. Approche-toi, chérie, ce soir tout est permis. Ton corps m'attire, je te désire, approche-toi. Laisse-moi te dire, pour moi tu es la plus jolie. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'enlacer et t'embrasser. Souris-moi, dis-moi oui. Approche-toi, chérie, plus près encore. Serre-moi très fort toute la nuit. C'était notre premier tango. Je sentais battre ton cœur tout contre ma peau. Je rêvais tant que tu te laisses dériver et que ce tango-là ne s'achève jamais. Souviens-toi, c'était notre premier tango. Il restera pour nous à jamais le plus beau. Le tendre souvenir et le goût retrouvé du temps de nos premiers baisers. À chaque pas de danse, j'imaginais la chance d'une vie tout entière, simplement à te plaire. Au contour de tes hanches, je rêvais de nuit blanche, d'un bonheur éternel, à visiter ton septième ciel. Souviens-toi, c'était notre premier tango. Je sentais battre ton cœur tout contre ma peau. Je rêvais tant que tu te laisses dériver et que ce tango-là ne s'achève jamais. Souviens-toi, c'était notre premier tango. Il restera pour nous à jamais le plus beau. Le tendre souvenir et le goût retrouvé du temps de nos premiers baisers. Souviens-toi, c'était notre premier tango. Il restera pour nous à jamais le plus beau. Le tendre souvenir et le goût retrouvé du temps de nos premiers baisers. Et dans quelques instants, on fera un point météo. Je signale d'ores et déjà que la météo est prévue 30 degrés l'après-midi à Orléans, et il y a exactement 30 degrés. Avec le concours de Météo Consult. Demain dimanche 1er septembre, et oui, changement de temps, c'est des grandes marées aujourd'hui et demain, dans la Manche et les côtes du Nord et l'Atlantique en général. Dimanche 1er septembre, 22 degrés l'après-midi au lieu de 30 aujourd'hui, et 16 degrés le matin avec risque de petite pluie. C'est bien un risque. Hein. Lundi 2 septembre, 22 le matin, 9 l'après-midi. Mardi 3, 24 l'après-midi, pardon, et 9 le matin. Mercredi 4, 23 l'après-midi et 12 l'après-midi matin. Tout ça avec du soleil. Jeudi 5, toujours du soleil, 21 l'après-midi, 9 le matin. Vendredi 6, 8 le matin, 22 l'après-midi. Samedi 7, 13 le matin, 18 l'après-midi. Dimanche 8, 9 le matin, 20 l'après-midi, ainsi de suite. Et sans une seule goutte d'eau jusqu'au 14, je ne vais pas plus loin, et les prévisions s'arrêtent. Autrement dit, demain, la température va changer. Température d'automne, ça correspond au 1er septembre. Parce que le 1er septembre, si vous avez septembre, octobre, juin, juillet, septembre, octobre, novembre, c'est le premier jour de l'automne météorologique. Aujourd'hui, il en a prévu 30 degrés et il y a 30 degrés. D'Asie. Le même espoir chaque matin chante pour nous. Ça serait bien d'être tous là au rendez-vous. Le soleil doit briller pour tout le monde. Chacun sur terre a droit d'être heureux. On voudrait bien même pour 10 secondes que tout soit rose sous le ciel bleu. Le soleil doit briller pour tout le monde. Quand on y croit, c'est merveilleux. Le soleil, vous inquiétez pas, si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Charles Verstraat, on revient au début de l'émission. La guinguette a fermé ses volets et on n'a pas tous les jours 20 ans. Thank you. continue avec la marche des accordéonistes lyonnais. Olivier Plisson. Avec Michel Prévost. Thank you.

s'embrasse, on s'enlace, et plus rien ne compte plus, tellement c'est doux. On s'enlace, on s'embrasse, et les gens nous dévisagent un peu jaloux. C'est une joie qui nous inonde, un soleil qui tourbillonne autour de nous. C'est comme un rêve, comme une fièvre, tes yeux, tes lèvres, moi j'en suis. On s'embrasse, on s'enlace, et la lune nous éclaire contre jour. On s'enlace, on s'embrasse, ébloui par le vertige de l'amour. Et pour que rien ne nous sépare, nos deux corps à l'infini restent serrés. C'est fantastique, c'est magnifique, presque magique de tant s'aimer. We'll be right back. compagnie de Michel Prouveau depuis quelques minutes. 17h passées de 47 minutes. Chaque matin, dans mon petit journal, on a la preuve que tout va très mal. La météo annonce l'été avec une grosse canicule et un hiver à geler les rotules. En politique, c'est pas beaucoup mieux. À gauche, à droite et même au milieu, on nous promet une vie super que demain tout va changer. C'est vrai, on peut toujours espérer. Dansons tous les mains, ils sonnent des gens heureux. En attendant que résonnent des jours plus bleus. C'est un style que j'affectionne, c'est du sérieux. On se sent bien, c'est curieux. Dansons tous les mains, ils sonnent des gens heureux. C'est la solution, on somme car en moins deux. On est tous en super forme, c'est merveilleux. Et la vie chante comme on veut. Eh bien voilà, vous aurez le plaisir aujourd'hui de recevoir, de revoir ou de réentendre notre ami, nos amis du sport, Jemiro et José. Ils sont rentrés, enfin rentrés, parce que je trouvais le temps long tout seul. Enfin rentrés, voilà. Et on va terminer, nous, notre émission à 17h, passée de 50 minutes, en compagnie de M. André Verschuren. direction à donner. C'est un message à tous les jeunes passionnés du ballon rond. Pour sa prochaine saison 2019-2020, l'Union portugaise de foot d'Orléans recrute des jeunes âgés de 5 à 18 ans pour renforcer ses équipes. Si vous êtes intéressé, merci de contacter rapidement M. David Moreira au 06 58 11 69 26, 06 58 11 69 26, ou adressez-vous directement au siège de l'association sportive. Petite info du club, si tu es né en 2005 ou en 2006 comme José, pour toi c'est gratuit. Voilà, c'est une bonne nouvelle José, tu veux bien. De 56 minutes à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. L'émission se termine. Je laisse la place à Jemiro et José pour leur émission en langue portugaise, s'il vous plaît. Ah oui, oui. En langue portugaise, et ça s'appelle Porte ouverte au sport. Nouvelle saison, 1er septembre, nouveau venu, des jeunes animateurs qui prennent le relais. Quant à nous, on se retrouve demain à partir de 12h30 pour l'accordéon de nos régions. Bonne soirée. 18h largement. Allô ? Oui, oui, je t'écoute. Bonjour monsieur, vous êtes tout jeune animateur à Radio Arc-en-Ciel. Hey, je te vois pas, dis donc, ils ont changé la chaise, je te vois plus là. Au fauteuil, vous comprenez ? Oui. Bonjour Michel. Alors, bonjour monsieur, vous êtes content d'être travaillé sur Radio Arc-en-Ciel ? Moi, toujours, moi, tiens. Petit gamin. Eh bien, c'est bien, vous êtes revenu ? Oui. Eh bien, c'est magnifique. Ça s'est bien passé. Ah, tu vois, regarde, j'ai été au Portugal 3 semaines, là. Ouais. Un mois, quoi, quasiment. Et bien, il faisait plus chaud ici que là-haut. Ah oui, oui. Oui, oui. Plus humidité qu'il n'y a pas là-bas. Voilà. Marc, j'ai connu pire, j'ai connu 60 à l'ombre. Enfin bon, c'est autre chose. Ouais, mais j'avais 20 ans. Oui, mais ça, c'est. J'avais 20 ans. Il a dit. Je vais vous parler du temps que les moins de 20 ans. Oui, aussi. Aussi. Hein? Bonjour, mon petit Algemiro. Bonjour, Michel, comment ça va? Ben écoute, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Je suis bien content, t'es revenu. Ben oui, ça y est, on a repris, tu vois. On va reprendre, là, ça y est. Vous êtes mignons tous les deux. Hein? Vous êtes nouveau à Arc-en-Ciel ? Ben oui, on est nouveau, hein, donc on va faire pour le mieux. Qu'est-ce que c'est bien. On va parler on recrute des petits jeunes maintenant. Oui, oui. C'est Christinette qui recrute des petits jeunes. Voilà. Si elle m'entend, elle va dire, je veux pas qu'on m'appelle Christinette. Voilà. Mais ça fait rien, c'est pas grave. Alors, qu'allez-vous nous parler aujourd'hui de musique, de chansons, de voilà, sport? Voilà, un peu de musique, un peu de... un peu de tout, quoi. De sport, de foot, un surtout, peu un peu, parce que quand tout le monde a repris, alors, nous, on a repris aussi, voilà. Pour samedi prochain, faut que je prépare des histoires qui se passent entre nous. Il y en a encore qui se passent entre nous. Hein. Ah oui, oui. Alors, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai passée dimanche dernier. C'est pas moi qui l'ai racontée dimanche, mais je vais essayer de m'en rappeler. Oui. C'est un monsieur de 96 ans. Donc Michel ? Ah non. Ah non. Quand même pas, c'est mon grand frère. 96 ans, il va à Bourges, puis... Vous savez qu'à Bourges... Enfin, vous savez pas, vous étiez au Portugal à ce moment-là. C'est à Bourges qu'il y a eu la première maison de la culture en France. Et elle était inaugurée par M. André Malraux, qui était ministre de la Culture à l'époque. Et il y a un gars qui présente le spectacle, et il va voir à l'entracte monsieur de 96 ans. Mais il dit, ça vous intéresse? Ah oui, une maison pour les jeunes, ça vous intéresse à votre âge? Ah oui, oui, il n'y a pas de problème. Il dit, vous venez de loin pour voir, ils ont vu un concert de Tolstoï. Tolstoï, c'est... Tolstoï? Tolstoï. Ah. C'est un compositeur russe de musique classique. Ouais. deux heures de Tolstoï, il dit c'était bien, mais alors il dit j'aime mieux l'entracte parce que je commençais à avoir soif. Enfin, c'était une autre histoire. Oui. Et il a tourné la vodka, quoi. Le type, il lui dit, mais vous venez d'où? Ah, il fait 26 km en vélo pour venir. Hein. Ah, ben dis donc, il est chapeau. Hein. Puis il dit, je repars en bicyclette. Hein. Ah oui, il est mis en vélo, il repart en bicyclette. Et ben, il dit, vous faites que ça, 96 ans? Ah non, il dit, je cours les filles. Vous courez les filles à 96 ans? Ah oui, oui, oui. Il dit, le seul problème, c'est que je ne me rappelle jamais pourquoi. Ah, elle se meurt, puis il n'y a pas l'autre. Question. Elle est mignonne, hein, elle est courte. Elle est mignonne, oui. Elle est courte, mais enfin, il paraît que les plus courtes sont les meilleures. Alors. Oui. N'est-ce pas, Gémiro? Ah, ben, bah, je sais, c'est ce qu'on ah, dit. Ah, hein. Tu sais, ah, bon, bah, d'accord. C'est ce qu'on dit, bah, je ne sais pas, moi. Oui, on le dit. Puis là, qui dit que c'est le plus long, enfin, bref. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne émission. Ben, merci, et puis. Ah. Puis on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve jeudi. Oui, jeudi, on se retrouve jeudi. Moi, je serai là jeudi. Non, mais on se retrouve jeudi, nous. Nous tous les deux. Et lundi pour. Non, mais c'est le vent, c'est le jeudi. Lundi pour remplacer un peu Jean-Pierre aussi. Tu m'appelleras, tu me passeras. J'essaye de faire pour le mieux, mais bon. Il revient le 9. Donc, tu me passeras de l'Amélias Rodriguez. Voilà. Amélias Rodriguez. Amélias Rodriguez, voilà, moi, très bien. Une comme la semaine dernière. Très bien. Comme jeudi dernier. Quoi. Eh bien, bonne émission à vous. Et puis merci, Michel. À fort bientôt. Et à bientôt. Merci, Michel.